Fait qu'à ce moment-là, tu reviens encore à la pré... À la pré-personnalité, mais de... Ben non, de qui? Là, je te repensais. Mais quand tu réalises que t'es pas bon, tu alors, quand t'arrives, pas... attends un peu, quand t'arrives à la pré-personnalité de l'ajusteur à penser, parce que t'es translucide, à ce moment-là, tu découvres ta vraie personnalité. Alors, la vraie personnalité de l'homme, dans le fond, c'est la manifestation de la pré-personnalité de l'ajusteur à penser à travers de ses principes inférieurs. C'est ça, la vraie personnalité de l'homme. Mais c'est en découvrant ce que t'es pas que tu découvres ce que t'es. Mais tu peux pas saisir ce que t'es avant de découvrir ce c'est que t'es. C'est en découvrant ce que t'es pas que tu découvres ce que t'es. Ouais. Ouais. C'est juste. Ben, c'est à cause de la polarité. Hein? C'est à cause de la polarité? Ouais. La polarité. C'est la loi, la polarité. Peux-tu voir que tu noires? Ouais. Mais c'est intéressant, cette affaire-là. L'affaire de pas bon. Vous, êtes-vous capable de vous réaliser comme pas bon encore à votre stage, là? Non. Ouais. Je commence. Vous commencez, là. C'est bon pour vous. J'ai un gros parfait de mon secteur. Ouais, ouais, ouais, c'est bon. Puis vous, vous? Êtes-vous capable? Des fois. Des fois. Toi, t'es pas capable encore, hein? T'es capable? Hein? Elle? Toi? Pauline, tu es capable? T'es ambivalente encore. Je réalise. Ouais. Mm. C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Toi, Daniel, es-tu capable? T'es capable de te réaliser comme n'étant pas bon? J'essaie pas de moi améliorer, j'essaie de corriger complètement. Ouais. Parce que ça nous allège énormément. Ça nous allège énormément, ça nous donne totalement une nouvelle psychologie. Mm-hmm. Ça nous donne une autre intelligence. C'est tout en relation avec l'émotivité. Tout! Parce que ça prend une sorte de force intérieure pour accepter ça. C'est accepter, c'est ça. C'est un dépassement. C'est un dépassement parce qu'on a toujours le doute de nous-mêmes, le doute. Puis le doute, c'est une vibration. Qui est le jeu entre le mental et le supramental, le mur. Une fois que tu as dépassé ça, t'es correct. Là, tu commences à respirer. Parce que si je sais que je suis pas bon, c'est peut-être que j'ai la crainte, que peut-être que je vais me prendre pour un autre. Bon, ouais, whatever. Il y a toutes sortes de mécanismes qui vont vous empêcher d'être ça. Parce que c'est pour appeler ça la pureté de l'ego sans le pilote. Pureté d'ego, parce que pour moi, le mot pureté, oh ouais, là, il pue. Je suis pas capable de concevoir de pureté sans puanteur, moi. Ouais. T'sais, j'ai l'esprit de contradiction. La pureté. Ouais, ben les mots, tu sais. La carte blanche. Ouais. Dans. C'est intact, en fait. Hein? La carte de blanche. C'est ça, l'homme est intact, puis tout ce qu'il se lit, c'est extérieur à lui, pas lui. Mais ça, ils disent que c'est des connaissances qui nous viennent maintenant à la fin du 20e siècle. L'homme est vierge. C'est des connaissances qu'on n'aura jamais, pu vivre avant. Parce que ces connaissances-là, pour les vivre, il faut les souffrir. Tandis qu'avant, mais tout nous était donné par les moyens les plus opportuns, que c'était la philosophie, la théologie. Tandis qu'aujourd'hui, on n'y reçoit plus de même. On y reçoit, c'est tout. Ben, d'ailleurs, quelque chose d'original me donnait l'impression que tout de suite, au départ, on était sale. Donc, on n'était pas bon. Le tâche, ouais. Le tâche, ben, c'est ça. Je veux être blanche. Comment est-ce que tu ne te sens pas bon? Tu vas te lancer dans les mots après. Comment est-ce que ça se fait que l'ajusteur de pensée du Nazaréen, qui a servi durant ta vie, s'est personnalisé sans se fusionner avec la personnalité du Nazaréen?